près de moi. Moi pas touché beaucoup l'argent. Y'en a l'argent, y'a pas l'amour. Oh ma parole. Thank you. Danser, Jamila.